flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie. Seconde fois, maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas.